إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نكشف فرغم الله عز وجل وكونتينيو سو كور d'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala usul sunna l'imam al-mubajjal Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala expliqué par Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé au chapitre qui a pour titre, en arabe exactement, Ta'atu wulat al-umur. C'est le chapitre qui s'attache à étudier la croyance des gens du consensus, la sunna du consensus, en ce qui concerne les gouvernants. Et on était arrivé, on avait déjà traité une partie du chapitre, mais une grande partie du chapitre, le cours sera assez court aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Et on est arrivé, dans le cadre des citations des preuves sur ce fondement-là, parmi les fondements des gens de la sunna du consensus, au hadith de Salama, radiallahu anha wa ardaha. Et Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala, il cite le hadith de Salama, il dit, « Wa hadithu Salama, la ma sallaw, ta'rifuna wa tunkirun, fa man araf faqad bari'a, wa man kariha faqad salima, wa lakan man radiya wa taba'a. » فأنت إذا أنكرت بقلبك قال مسلم بعده من كره بقلبه وأنكر بقلبه والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب ينكر النهي عن المنكر من الإيمان أو plutôt صح مسلم كتاب الإمارة كتاب الإمارة على كل حال on va rapporter la traduction de ce hadith là et pour rapporter la traduction de ce hadith là on va devoir aller chercher dans les explications des savants de صح مسلم. Et donc, Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala, il dit « et le hadith de Salama ». Et le « et » ici, c'est une conjonction de coordination par rapport à ce qu'il y avait avant. Pourquoi ? Parce qu'il citait des preuves sur ce fondement, comme je l'ai déjà dit, sur l'obligation d'obéir au gouverneur. Hein ? Et on avait dit qu'il soit pieux ou désobéissant. Avec la condition qu'on avait dit quoi ? Il avait rapporté un qaïd, il avait dit quoi ? Que c'était évidemment que ce ne soit pas dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait cité le hadith « la ta'ata li makhlouq in fi ma'asiyat al-khaliq ». Et il dit, et le hadith de Salama, c'est-à-dire parmi les preuves de ce qu'on avance, le hadith de Salama radiallahu anha wa ardaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non tant qu'il prie, vous trouverez des choses en eux qui font partie du convenable, et vous trouverez des choses en eux réprouvables. Celui qui connaîtra le blâmable et ne lui sera pas ambigu sera exempt. Alors ici, il y a une note à faire, une remarque à faire. Parce qu'ici, pour traduire, je l'avais déjà dit beaucoup de fois, pour traduire un verset du Coran, il faut revenir au tafsir. Et pour traduire un hadith, il faut revenir à l'explication des ulama par rapport au sens du hadith. Ce n'est pas de faire ce qu'on appelle une traduction littérale, mais plutôt une traduction par le sens. Eh bien, j'ai été vous chercher une explication de Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Urmi Al-Alawi Al-Harari, hafidhahullah ta'ala, qui fait partie des savants du hadith à la Mecque. Il dit dans son explication de l'authentique de Muslim, qu'il a intitulé Al-Kawkab Al-Wahhaj, والروض البهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج volume 20 page 108. C'est-à-dire sera exempte. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Mais c'est-à-dire qu'il aura une voie pour s'exempter du péché et du châtiment en réprouvant le blâmable avec la main ou la langue. Et s'il n'est pas capable, en réprouvant par la détestation du cœur. Et celui qui déteste avec son cœur sera sauf. Mais c'est celui qui approuve. Vous avez le hadith ici, je le répète encore une fois en agra. La ma sallaw ta'rifoun wa tunkiroun. Ta'rifoun wa tunkiroun. Ça, on va expliquer, inshallah. Faman arafa faqad bari'a. C'est ça qu'on veut dire ici par le fait d'être exempt. Comprenez ici hein? Le fait d'être exempt. Faqad bari'a. Wa man kariha faqad salima. C'est ça que le cheikh est en train d'expliquer ici dans son explication de Sahih Muslim. Walakin man radiya wa taba'a. Ça, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est-à-dire, sera exempt, faqad bari'a, c'est-à-dire qu'il aura une voie pour s'exempter du péché et du châtiment en réprouvant le blâmable, avec la main ou la langue, et s'il n'est pas capable, en réprouvant par la détestation du cœur. Et celui qui déteste avec son cœur sera sauf. Mais c'est celui qui approuve leur action de son cœur et les suit en action. Vous avez compris maintenant donc, hein? Walakin man radiya wa taba'a. Alors comme je l'ai dit, c'est une traduction de ce hadith basée sur une explication du shir dans la source précitée, qui est le sharh de Sahih Muslim de shir Mohamed al-Amin al-Urmi al-Alawi al-Harari. Et c'est Kitab al-Imara, al-Hadith numéro 1845. Maintenant, on continue l'explication de Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala. Il dit, فَجَعَلَ مُسْلِمٌ. C'est qui muslim? L'imam muslim, rahimahullah. الْإِنْكَار بِالْقَلْبِ وَالْكَرَاهِيَّةَ بِالْقَلْبِ. عَرَفْتُمْ هَذِهِ حَالِ. Vous comprenez ici que vous regardez dans Sahih Muslim, dans Kitab al-Imara. Et je vous donne le titre du chapitre si vous voulez. باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما خالفوا الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. Et c'est le hadith 1845. On a dit quoi? Que l'imam Muslim, rahimahullah, il a rapporté des hadiths. Et après avoir rapporté ce hadith, il dit ça, c'est la parole de l'imam Muslim maintenant. Il dit quoi? من كره بقلبه وأنكر بقلبه. D'accord? C'est pour ça que Cheikh Rabi il a dit فَجَعَلَ مُسْلِمٌ الْإِنْكَارَ بِالْقَلْبِ وَالْكَرَاهِيَةَ بِالْقَلْبِ. عَرَفْتُمْ هَدِي حَال. Cheikh il dit donc Rabi hafidhahullah ta'ala, il continue son explication en disant, donc toi si tu réprouves et tu détestes de ton cœur, car l'imam muslim après avoir rapporté le hadith dit celui qui réprouve de son cœur et déteste de son cœur. Donc l'imam muslim a rapporté la réprobation du cœur et la détestation du cœur. Vous avez compris, le cheikh il dit, ceci est une situation. Alors, par rapport à ça, j'ai voulu faire une petite parenthèse aussi et vous rapporter un bénéfice par rapport à ce hadith. Dans la même explication, de quoi? De Sahih Muslim, hein, et qui est de Cheikh Mohamed ibn Adam al-Urmi al-Alawi al-Harari. Mohamed Al-Amin Al-Rumi Al-Alawi Al-Harari, qui n'est pas Mohamed Ibn Ali Ibn Adam Al-Ethiopie, qui est un autre shir. Hein? Suivez un peu ou pas? Je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de cours, mais il y a deux shirs que je cite souvent parmi les savants éthiopiens du hadith. Il y en a un, que celui que je cite de manière plus particulière, c'est Mohamed Ibn Ali Ibn Adam Al-Ethiopie. Hein? Donc, Cheikh Mokbil faisait l'éloge, et Cheikh Al-Albani, d'autres machères, etc. D'accord? Il était un ancien dans la science du hadith, dans la science de la langue arabe, etc. Il a fait une explication de Sunan Nasa'i en 42 volumes, que je cite souvent d'ailleurs. Et il a fait une explication d'autres livres de la Sunna, parmi eux Sahih Muslim. Mais Sahih Muslim, ce qui a été publié pour le moment de ce qu'il a fait, il n'y a que 18 volumes qui ont été publiés. Et 18 volumes, il y a Ikhwa, c'est juste le Kitab al-Iman et Kitab al-Salah. Ils disent, hein, qu'Inch'Allah, ça va arriver à 50 volumes normalement, cette explication de Sahih Muslim. D'accord? Donc, ce n'est pas cette explication-là que je suis en train de citer maintenant. D'accord? Pourquoi? La réponse est simple. Mais parce que je n'ai pas Kitab al-Imara. Parce qu'on a dit, ça arrête à Kitab al-Iman et Kitab al-Salah. Déjà, ça fait 18 volumes. Donc, Alhamdulillah, Fadallah Azza wa Jal, j'ai pu acheter l'autre cette semaine, qui fait 26 volumes, qui est complète de Sahih Muslim. Mais qui est de qui? Cheikh Mohamed Ibn, vous retenez le nom ou pas? Mohamed Al-Amin Al-Urmi Al-Alawi Al-Harari. Si vous ne retenez pas le nom, je ne vous en voudrais pas, sarahatan. Hein? D'accord? Eh bien, dans cette explication de Sahih Muslim qui est complète, évidemment, il y a d'autres explications de Sahih Muslim, notamment la fameuse explication de l'imam Nawawi Rahimahullah, Al-Minhaj, fi Sharh Sahih Muslim Al-Hajjaj. Il dit, wa fihi dalil, c'est une faïda par rapport à ce hadith. على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت بل إنما يأثم بالرضا به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. Il y a dans ce hadith, le cheikh dit dans cette explication de ce hadith, il y a dans ce hadith une preuve que celui qui n'a pas la capacité de mettre fin à ce qui est blâmable n'est pas en état de pécher en raison uniquement de son silence. Vous comprenez ça? Mais de plus, il n'est en état de péché que s'il est satisfait et l'agrée, ou parce qu'il ne déteste pas du cœur, ou parce qu'il la suit en action. Et ça, ça doit vous rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va citer, inshallah, dans un instant. Et c'est quoi le hadith? Et c'est justement la preuve suivante que Cheikh Rabi' il avance dans son explication de Usul Sunnah. Il dit, hadithun akhar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih. Wa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dhalika ad'afu al-iman. Comprenez ce hadith? Et ce hadith, il est dans Sahih Muslim, Kitab al-Iman, bab bayan kawn an-nahy 'an al-munkar min al-iman. Chapitre au livre de la foi, chapitre de la mise en évidence que le fait de réprouver ce qui est blâmable, ce qu'on appelle nahy 'an al-munkar, fait partie de la foi. Le cheikh, il dit un autre hadith. Celui d'entre vous qui voit quelque chose de blâmable, qu'il le réprouve ou qu'il le change, si vous voulez, qu'il change cela de sa main, ou qu'il réprouve cela de sa main. Et s'il n'en est pas capable, par sa langue, alaykoum salam. Et s'il n'en est pas capable, par son cœur. Et cela est le niveau de foi le plus faible. Donc ça veut dire, vous comprenez pourquoi le cheikh a rapporté ce hadith ici. Ce qui prouve, ce qu'il avance là, qu'il fait que simplement le fait de se taire, tu ne rentres pas en état de péché. Pourquoi? Parce que tu peux réprouver au minimum par le cœur. Mais où tu rentres en état de péché, c'est une satisfaction. Que tu agrées la chose, ou que tu ne la détestes pas, ou que tu la suis en action, comme le dit le cheikh ici. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il y a des différents degrés. Si tu peux avec la main, si tu n'es pas capable avec la langue, si tu n'es pas capable, au moins avec le cœur. Et c'est le quoi? Le niveau de foi le plus faible. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. D'accord? Pourquoi il dit? Parce qu'il y a certaines personnes qui essaient de mettre l'ambiguïté comme quoi que si tu ne parles pas ou si tu ne fais pas avec la main, ben tu es en état de péché. Le hadith, il est clair. Et le hadith qu'on a cité avant, il est clair. وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَبَعَ. D'accord? مَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim. Maintenant, Cheikh il continue en disant الآن العالم مثلا ما ينكر بعض الأشياء إما خائف وما شيء آخر لكن كره بقلبه عميل جاسوس مجامل مداهن الآخر اتهامات التي والله ما أخذها إلا عن الشيوعيين. هذه أساليب ليست أساليب مسلمين, هذه أساليب الشيوعيين والثوريين والبعثيين والقوميين والأحزاب الضالة. كيف يقبل بها الشاب المسلم علماء الإسلام وأهل الحق وأهل السنة والجماعة المتمسكون بتوجيهة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مثل هذه ومثل تقريرات أئمة الإسلام مثل مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم الأوزاعي والثوري. كل هؤلاء عاصروا يعني حكومات عندها أخطاء وعندها انحرافات. وأصلا ماذا جرى في عهد الإمام أحمد؟ دولة تعطيل للصفات إلى مذهب جهم. مذهب جهم عندهم كفر. القول بخلق القرآن كفر عند أحمد وعند أهل الحديث في ذلك الوقت. كانت الحكومة تدعو إلى الكفر, مع ذلك يريدون أن يخرجوا فيأبى الإمام أحمد وقال هذا في فساد وفيه ضرر على المسلمين فزجرهم. كيف أحمد جبان, أحمد عميل. شيخ ربيع الدي اسكنا مالغزمون وطن دنجوخ. Cheikh il dit, hafidahoullah, Cheikh Rabi il dit, car il se peut que le savant aujourd'hui ne réprouve pas certaines choses par la parole. Soit parce qu'il a peur, soit pour d'autres raisons. Mais il le déteste de son cœur. Qu'est-ce qu'ils disent alors les gens de l'innovation? C'est ce qu'on entend aujourd'hui, malheureusement. Ils disent quoi? Eh bien, les insultes, collaborateurs, espions, complaisants, quelqu'un qui transige, et d'autres accusations, que par Allah, ils n'ont pris que des communistes, car ces manières ne sont pas les manières des musulmans. Ce sont les manières des communistes et des révolutionnaires et bassistes. Vous connaissez le Hizb al-Ba'ath, c'est quoi? Notamment, qui était connu? Saddam Hussein. Les bassistes, on les appelle en français. Les bassistes. C'est la croyance socialiste, etc. D'accord? et des nationalistes et des groupes égarés. Comment le jeune musulman peut donc les accepter? Les savants de l'islam et les gens de la vérité et les gens de la sunna et du consensus qui s'accrochent aux orientations du noble messager d'Allah comme celle-ci, qu'on vient de voir, et je n'avais pas cité la référence des Sahih Muslim numéro 49, hadith Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, et puis le hadith qu'on a vu avant, Sahih Muslim aussi, quoi, 1845. D'accord? Et plus les hadiths qu'on avait cités, dans quoi? Dans les cours précédents, notamment Sahih Muslim aussi, 1846, Isma'u wa ati'u. Et d'ailleurs, j'ai sur mon compte Twitter, je ne sais pas si c'est pour les frères qui suivent Twitter, j'ai tweeté quelqu'un qui, une vidéo de quelqu'un qui s'appelle Tariq Souedan. Vous avez entendu Tariq Souedan? Hein? Wallah, cette personne-là dit des paroles à'oudou billah. Eh bien, il se moque. Il se moque de ce genre de texte-là et de ce genre de fondement-là. Vous voyez dans la vidéo, il dit, oui, les ulama des gouverneurs, ils disent, écoutez, il obéissait, puis il fait un geste comique, etc., pour montrer qu'il se moque de cela. Subhanallah al-Adim. C'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ulama salatin, ils disent. Cheikh Ibn Baz a dit, rahimahullah, il a dit, à qui ils veulent qu'on laisse les gouvernants? Au Juhal? Hein? Alhamdulillah, si les gouverneurs ils sont proches des hukam, ils peuvent leur faire nasiha, etc. Alhamdulillah. Hein? Et vous savez qu'est-ce qu'ils entendent par cela? C'est une critique, c'est pour diminuer la personne. Hein? Pour dire qu'en fait c'est des collaborateurs et que c'est test sur la vérité, etc., etc. D'ailleurs, cette même personne, Tariq Souedan, dans une vidéo que j'ai aussi tweetée sur le compte Twitter, vous pouvez la voir aussi, eh bien, il dit, texto, comme ça, que tu peux suivre la religion que tu veux. Et que tu peux même choisir la voie que tu veux. Que tu sois sunnite ou chiite ou drusite, tu peux être ce que tu veux. Pire encore, tu peux choisir le Seigneur que tu veux. Cheikh Al-Fawzan et Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, Cheikh Al-Fawzan a dit, c'est ridda, ça, c'est une apostasie de dire cela. Et Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, il a dit ça, ça ne vient pas de quelqu'un qui a de la foi. Ou c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Hein? Vous comprenez maintenant pourquoi Cheikh Abel Jaberi et d'autres machaires, il y a des années déjà, ils mettaient en garde sur ce genre de personnes-là. Il y a un poème chez les Arabes qui dit, « Satoubdi lakal ayyamu ma lam tuzawidi. » Les jours qui arrivent vont te montrer ce que tu ne savais pas. Hein? Continue le charh. Écoutez ce que dit Cheikh Rabi ici. Donc c'est pourquoi j'ai cité cet exemple-là, c'est pour illustrer par un exemple concret ce que dit Cheikh Rabi. C'est cette phrase qu'on entend dans la vie de tous les jours. Je parle chez les Hizbin, comme cela. Chez les Hizbin, c'est les gens de l'innovation, évidemment pas chez les Salafis. Hein? Pourquoi? Ben parce que les Salafis, ils s'accrochent au fondement de la Salafia, au fondement de l'islam. Parmi lesquels figure le fait d'obéir et d'écouter le gouverneur dans ce qui n'est pas la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ceux, comme Cheikh Mohamed Amal Jami, Cheikh Rabi et tous les savants, ils ont prouvé qu'il soit un gouverneur obéissant ou désobéissant. Écoutez ce que dit le Cheikh ici. Il dit, les savants de l'islam et les gens de la vérité et les gens de la sunna du consensus qui s'accrochent aux orientations du noble messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme celle-ci qu'on a citée et comme les avis des imams de l'islam. Quels imams de l'islam? Hein? L'imam Malik, à l'exemple de l'imam Malik, rahimahullah, et Shafi'i, et Ahmed ibn Hanbal, et d'autres, rahimahumullah, jami'an, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. L'Auza'i, Thawri, qu'Allah leur fasse miséricorde. Tous ceux-là ont été les contemporains de gouvernements qui avaient des erreurs et des déviations. Et à la base, qu'est-il arrivé à l'époque de l'imam Ahmed? Le gouvernement qui reniait les attributs d'Allah et qui faisait partie d'un qui appelait l'école de Jahm, qu'on appelle Jahm ibn Safwan, l'école al-Jahmiyyah, par rapport à Jahm ibn Safwan, qui ont de la mécréance. Le fait de dire que le Coran est créé était considéré comme une mécréance par l'imam Ahmed et les gens du hadith à cette époque. Or, ils appelaient à cela. C'est juste ou pas? Hein? Est-ce que pour autant l'imam Ahmed, il a jugé ses gouverneurs mécréants, même s'ils avaient de la mécréance? Ça, c'est un dalil très fort que les mashayikh utilisent souvent. Et ça, c'est une règle, ya ikhwa, barakallahu fikum. Retenez-la, on la tient sur l'Albani et d'autres savants. Laysa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi. Wa laysa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'at al bid'atu alayhi. وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه. Toute personne qui ne tombe pas le, qui tombe dans le couvre n'est pas nécessairement un mécréant. Et toute personne qui tombe dans la bid'a n'est pas nécessairement un innovateur, un mubtadi'. Et toute personne qui tombe dans la perversité n'est pas nécessairement un pervers. Pourquoi ? Et Cheikh Sa'di rahimahullah l'a expliqué. ولا يتم الحكم على الشيء حتى شروط تجتمع والموانع ترتفع. Le jugement sur quelqu'un de spécifique n'est pas posé que si les conditions sont réunies et les empêchements, les barrières sont levées. Et les ulama, ils ont expliqué ça en détail. Cheikh Al-Faymin l'a dit dans le kitab Tawhid. الحكم المعلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص حتى تجتمع شروط انطباقه وتنتفي موانعه. Retenez ces règles-là par cœur, ya ikhwa. Cheikh Al-Faymin, il a dit, le jugement qui est lié aux descriptions, aux awsaf, d'accord ? Je vous expliquer cela dans un instant, inshallah. Hein ? N'est pas appliqué sur les personnes spécifiques jusqu'à ce que les conditions soient réunies et les empêchements soient levés. Comprenez cela ? C'est-à-dire quelqu'un qui fait du shirk, na'am, dans le cadre de son action, c'est un mushrik. Et maintenant, est-ce que c'est un mushrik hukman ? Est-ce qu'on le juge mushrik, lui spécifiquement, juge par le jugement ici, le hukm. Là, il faut des conditions qui doivent être réunies et des quoi ? Des barrières, des mawani' qui doivent être levées. Parmi les barrières qu'on peut citer, c'est le jahl. Donc, en opposition à l'jahl, la condition c'est quoi ? L'ilm. Et d'autres barrières et d'autres conditions que les ulama ont citées dans les livres hein, qui traitent le sujet. Mais de toute façon, ya ikhwa, comme on l'a déjà traduit sur notre site, parole de Cheikh Al-Fawzan, parole de Cheikh Abdel Al-Shir, parole de. Il y a un très bon livre qui est sorti, un gros tome, qui s'appelle. Al-Itqan fi. الأركان في نقلي أن الإتقان في نقلي فتوى الأركان وكل شيء كم سنشوف يوم بيدو تتخسر حتى وسي بريفاسي بار شيخ الفوزان و شيخ عبد العزيز علي شيخ و سي ان شيخ كون فات يس اتاشي اتيدي كونسر لا فتوى كومون فير لا فتوى رابورتي لي فتوى دي سافون ايتترا و شابيتر بار شابيتر اي تريت دو بوكو شابيتر اي تريت دو ديفورس اي تريت دو جهاد اي تريت دو تكفير و سي بريفاسي بار كي بار شيخ الفوزان و شيخ عبد العزيز علي شيخ اي ديز تو دو. En tout cas, le shirk qui dit ici, c'est beaucoup de paroles de savants, et c'est préfacé par les deux, c'est que quoi ? C'est que le tekfir revient aux gens de science. Parce que c'est eux qui savent qu'est-ce qui est du kofr, et qu'est-ce qui n'est pas du kofr, qu'est-ce qui est du shirk, et qu'est-ce qui n'est pas du shirk. Et c'est eux qui savent quand la personne mérite à ce moment-là ou pas d'être appelée et d'être jugée comme étant mécréante. C'est pas une mince affaire, ya ikhwa. Hein ? Et je me suis assis avec Cheikh Hassan Abdel Wahab Marzouk Al-Banna à Manchester, on s'assied à la maison avec des frères et je lui ai posé la question sur des frères qui disent que même les awam peuvent juger les gens mécréants et ils utilisent des messages comme l'udr bil jahl, etc. Le sirvi même l'avait posé la question à la mosquée déjà avant, il avait dit ya ikhwa, cette question elle revient ni à moi ni à toi. Cheikh Hassan Al-Banna, un savant qui a passé les 82 ans, qui étudie chez des grands savants comme Abdelaziz Afifi, d'autres. Il a dit ça, ça revient au kibar ulama. Et puis quand on était à la maison, je lui ai expliqué pourquoi on a posé la question. Et il a dit, dites à un shir, quelqu'un d'âgé de la mosquée, de leur faire un nasiha, d'accord ? Et s'ils ne veulent pas accepter, qu'ils voient une autre mosquée ou prier. Mais là, j'ai le wadih. Subhanallah, Annie, tu ne vas pas faire une fatwa sur le divorce et tu vas faire une fatwa sur le tekfir ? Et comme nous a dit Cheikh Falah Ismail, ça fait partie des autres machères, ils ont dit que ça fait partie des abwab al-fiqhiyya les plus dangereux, les plus, hein, des chapitres en la jurisprudence les plus dangereux. Et n'importe qui vient et commence à juger les gens mécréants, subhanallah a dit. Et si toi tu veux pas, parce que toi tu veux revenir aux gens de la science là-dedans, c'est toi qui as un problème, subhanallah a dit. Hein? Lisez les paroles des savants. Cheikh Falah Ismail, il a un livre qui s'appelle Naz'at al-Takfir. Et il dit la même chose. Il dit ça revient aux gens de science. Cheikh Al-Albani, la même chose. Il y a un très bon livre qui est sorti sur l'Udr Bil Jahl, qui est préfacé, qui a été lu, préfacé, qui Cheikh Rabi a recommandé d'être publié sur l'Adr Biljahl. Sachant que c'est une mes'ala qui est très détaillée déjà à la base. Hein? Et que beaucoup de nos frères n'ont pas le niveau pour y rentrer. Cheikh Sahimi, qu'est-ce qu'il a dit quand il était mort? Cheikh Moulay Abraham Zalhajiri, hafidahullah ta'ala. Parce qu'il y avait certains frères qui essaient d'utiliser cela pour faire la division entre les salafis. Et c'est ce que Cheikh Rabi il a dit. C'est certains ennemis de la salafia qui utilisent ce genre de mes'ala comme l'Adr Biljahl pour séparer les rangs des salafis comme l'Haddadiyya et d'autres. Cheikh Baram Zalhajiri, il a posé la question à Cheikh Sahimi qui était à côté de lui. Hein? Et Cheikh Sahimi, il a dit, laissez cette affaire, ne rentrez pas là-dedans. Et laissez l'affaire à certains des chouyours parmi les chouyours de vos chouyours. C'est-à-dire, laissez l'affaire aux grands. Et c'est une salle qui est khilafia, qui est vaste et qui est détaillée. Hein? Ya Ikhwa, on connaît des frères qui ont voulu rentrer là-dedans et ils n'avaient pas le niveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dévié. Il faut faire attention à cela. Pourquoi j'en parle ici? Parce qu'on parle du hakum des tekfir. Hein? Regardez ce que dit le cheikh ici. Il dit, mais Ahmed, pourtant, il n'a pas fait le tekfir. Le cheikh Fala Ismail, dans une assise, il avait rapporté ça comme exemple. Alors, le fait de dire que le Coran makhlouq, c'est un couvre. Que le Coran est créé, c'est une mécréance. Mais encore une fois, ce n'est pas toute personne qui tombe dans la mécréance qui est un mécréance. Ici, je parle du cas spécifique. Tandis que de manière générale, na'am, celui qui dit cela ou celui qui a voué une adoration autre qu'Allah Azza wa Jal, na'am, bila shak, c'est un mouchrik. D'accord, vous comprenez la différence entre... Et c'est pour ça que parmi les usul d'Ahl Sunnah al-Jama'a, c'est que dans le takfir, on fait la différence entre un no' ou al-ayn, le genre et le spécifique. Cheikh Bezmoul, il a un très très bon livre, un gros tome qui s'appelle Al-Mutashabih fi Ahkam al-Jihad wa al-Takfir. Il rapporte tous les fondements au niveau du jihad, etc., par rapport aux choubats qui sont rapportés par rapport à ça, et aussi au niveau du tekfir. Ça, c'est le genre de livre que les salafs ils doivent avoir à la maison, ya ikhwa. Livre de manhaj, livre qui traite. Et Cheikh Al-Bazouli en a parlé aussi dans son charh de Nawaqid l'Islam, que je vous recommande vivement. Et Cheikh Al-Fawzan, sur son site, il en a parlé. Cheikh Al-Fawzan, dans un petit audio sur son site, il dit, et même dans son livre Nawaqid l'Islam, il dit At-tabdi' wa at-tekfir wa at-tafsiq li ahli al-ilm. ليس للعوام حتى وليس حتى لأصناف طلبة العلم. Il a dit le fait de juger quelqu'un de fasiq ou de mubtadi' ou de kafir, ça revient aux gens des sciences, ça revient pas aux awam, mais même pas aux petits étudiants, aux différents niveaux d'étudiants en sciences islamiques, parmi les petits dans la science. Donc c'est des affaires qui sont pas. Pourquoi? Parce que le danger il est là. Vous connaissez le hadith, celui qui dit à son frère kafir alors qu'il n'est pas, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien la parole elle revient. C'est pas une mince affaire, ya ikhwa. Je vous rapporterai le titre que je vous ai dit du livre avec les préfaces de Cheikh Al-Fawzan et Cheikh Abza Al-Ishir, hein, où je le mettrai sur Twitter, inshallah. Si je me souviens bien, c'est l'Itqan fi Arkan al-Fatwa ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. D'accord? Et je vous donnerai la référence si vous voulez. C'est un long chapitre qui consacre à cette mesala sur le tekfir et le fait de faire que ça hukum shara'i, que ça revient aux gens de science, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Le gouvernement appelait à la mécréance. Et malgré cela, il voulait se rebeller. Et l'imam Ahmed a refusé cela. Et il a dit... Il y a en cela, c'est-à-dire la rébellion, une perdition et un mal pour les musulmans. Et il les réprouva. Alors, Cheikh, il pose une question ici. Est-ce que Ahmed était donc un peureux? Qui oserait dire cela de nos jours? Et toute personne qui dirait cela, eh bien, elle serait considérée comme quoi? Comme quelqu'un parmi les gens de l'égarement. Ça, oulala. Hein? Pourquoi? Parce que tu as attaqué l'étendard, ou un des étendards de... La sunna, un des imams de la communauté que d'ailleurs les ulama appellent imam ahl sunna, l'imam des gens de la sunna, l'imam Ahmed al-Mubajjal, Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Cheikh, il dit, Ahmed était-il un collaborateur, wal'adhu billah? Puis Cheikh, il continue son explication en disant, As-salaf alladhina akhadu bihadhihi al-adilla wa qawamu al-khawarij wa qawamu ahl al-fitan min al-mu'tazilati wa ghayrihim عملاء وجواسيس يعني والله يحاربون أهل السنة بأساليب الشيوعيين والبعثيين والقوميين والأحزاب الملحدة فكيف تستخدم هذه الأساليب في حق المسلمين وكيف لا تأخذون بيد الأدلة ولما لا تعذرونهم عندهم وعندهم هذه الأدلة أنا الآن لا أريد أن أخرج، أرى أن الحاكم كفر الكفر البواح، أنا ما كفرت، أنت ذهبت مذهب الخوارج وكفرته، وتركني في حال أخي، لا تهني يا أخي، أنت يجب أن تسمع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أقاموا الصلاة ما صلوا حتى تروا كفرا بواحا. الآن ما عرفنا عالما معتبرا، قال يعني في بعض الحكام، يعني الشيخ بن باز رحمه الله تعرفون أنه كفر بعض الحكام، وبعض العلماء كفر بعض الحكام، منهم من يستحق التكفير، لكن بعض الحكام ما يزالوا في دائرة الإسلام، وإن انحرفوا في دائرة الإسلام ما أحد كفرهم. هل هناك مثلا عالم معتبر من أهل السنة من أنزه الناس قال بكفر فلان وفلان من الحكام الآن؟ ما نجد إلا السفهاء والجهلة وأحلاس المعتزلة والخوارج، هم الذين كفروا، الذين يكفر الحكام والشعوب، والذي يكفر الحكام والجيش، كلها مستمدة من مدرسة من؟ سيد قطب. J'ai dit les plus prédécesseurs de cette communauté, rahimahumullah ta'ala, qui ont mis en pratique ces preuves et ont combattu les khawarij, ont combattu les gens des tribulations des fitan parmi le Mu'tazila et d'autres, sont-ils des collaborateurs et des espions? C'est-à-dire par Allah, ils combattent les gens de la sunna avec les manières des communistes et des bassistes et des nationalistes et des groupes athées? Comment pouvez-vous donc utiliser ces manières en ce qui concerne les musulmans et ne pas prendre les preuves? Et pourquoi ne leur trouvez-vous pas des excuses alors qu'ils ont ces preuves? Moi maintenant, je ne veux pas me rebeller. Je vois que le gouverneur a mécru de la mécréance claire, mais je ne l'ai pas jugé mécréant. Toi, tu as suivi la voie des Khawarij et l'as jugé mécréant. Laisse-moi mon frère. C'est qui parle? C'est Cheikh Rabia, c'est pas Mehdi. Hein? C'est pas moi qui parle, moi je fais que traduire. Cheikh dit, laisse-moi mon frère, ne m'insulte pas mon frère. Toi, il t'est obligatoire d'écouter la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'ils prient, tant qu'ils accomplissent la prière, jusqu'à ce que vous voyez une mécréance claire. Cheikh, il dit, aujourd'hui, nous ne connaissons pas de savant reconnu qui ait dit, puis il explique, il dit, c'est-à-dire au sujet de certains gouverneurs, c'est-à-dire, Cheikh Ben Baz, par exemple, rahimahullah. Vous savez qu'il a jugé mécréant certains gouverneurs. Et certains savants ont jugé certains gouverneurs mécréants, qui méritaient d'être jugés mécréants. D'accord? Mais certains gouverneurs sont toujours dans l'ensemble de l'islam. C'est-à-dire qu'ils sont toujours musulmans. Et c'est même s'ils ont dévié dans l'ensemble de l'islam. Et vous vous souvenez de ce qu'on avait rapporté dans Sharh Najmi, rahmahullah ta'ala, sur Sharh Sunan al-Barbahari, que le fait de sortir de la voie, il y a deux sorties. Il y a quoi? Il y a la sortie complète, que tu sortes complètement d'islam, et puis il y a une sortie qui est pas, qui est quoi? Partielle. C'est-à-dire que tu dévies de la voie, mais pas au point de sortir de l'islam. C'est traduit sur notre site et c'était même mis en PDF sur le titre la sunna, l'islam est la sunna et la sunna est l'islam. Et c'est un des prochains livres, inshallah, qu'on va faire, si Allah nous facilite. J'espère terminer sur le sunna bientôt, inshallah. J'ai d'autres titres en tête. J'aimerais bien faire avec vous sur le sunna de l'imam al-Humaydi, qui est parmi les imams les shiur de l'imam muslim, rahimahullah. C'est expliqué par Cheikh Obed. Alhamdulillah, j'ai obtenu le livre par Cheikh Abdel Boukhari, j'ai le livre aussi. Donc on verra par rapport à ça. Et Sharh Sunnah al-Barbahari qu'on avait commencé, on avait fait deux cours de Cheikh Najmi que j'aimerais bien faire avec vous un jour ou l'autre aussi, Inch'Allah. Sinon, il y a le même livre par Cheikh Rabia en deux tomes. Hein? Il y a pas mal de livres, et je vous conseille vivement. Et on discutait avec certains frères aujourd'hui, hier, et sur Twitter, etc. Sur le fait que, et c'est une question que Cheikh Rabia il pose. Qui a lu entre nous l'Ibana d'Ibn Battal al-Ukbari? من قرأ الإبانة؟ من قرأ شرح السنة؟ من قرأ أصول السنة لإمام أحمد؟ من قرأ أصول السنة للحميدي؟ كي اللي توسي ليفغ هنا؟ أصول السنة لإمام أحمد، أصول السنة لإمام حميدي، اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث دي الصابوني. الشيخ ربيع لا إنسبيكاشن كي تي ببليي. On a un gros volume. Elle fait partie de son مجموع الفتاوى aussi. Si je me souviens bien, c'est le premier volume. Ou le deuxième. Hein? Tous ces livres les ont expliqués. Comment on veut connaître la salafia? Comment on veut connaître les fondements des gens de la sunna du consensus si on ne consacre pas du temps à lire ces livres, ya ikhwa? Et si on consacrait du temps à prendre notre manhaj? Parce que notre manhaj il est basé sur l'ilm. Tout le monde connaît l'ilm qabla al-qawli wa al-amal, mais qui la pratique? Beaucoup de gens ils parlent dans le manhaj sans science. Et ils font des choses sans science. Et après quand certains frères leur font la siha basée sur des fondements de la sunna, c'est nous les extrémistes. Et je vous recommande, j'ai fait une très très très longue nasiha. Je ne sais pas si tu peux la remettre en un. Hein? pas aux frères et aux sœurs de Birmingham, parce qu'il y a, sur certains frères et nos sœurs francophones, il y a un certain laxisme, ici à Birmingham. Et en France aussi, et en Belgique aussi. Certains de nos frères, je ne dis pas tous, alhamdoulilah. Il y a beaucoup de gens qui sont conscients de cela et qui sont contre cela, walillah alhamd. C'est-à-dire, toutes les conférences où on était en France, en Belgique, etc., les gens ils étaient contents de le bayan. Même les awam, ils étaient contents, ils disaient, on voudrait plus de douloureuses de clarification. Allahu Akbar. Et certains de nos frères, certains de nos sœurs qui se revendiquent de la da'wah salafia, hein, ils ont du laxisme. À tel point que certains, ils appellent au massage des hizbiyines ici à Birmingham. Subhanallah al-Adim. Certains frères, certains de nos sœurs, ils cherchent des cours, on les envoie à Greenland, Majid. Subhanallah al-Adim. Est-ce que les gens ne vont pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala? Comme je l'ai dit dans les textes sur Twitter, j'ai dit les gens en France, c'est vrai ou pas, et en Belgique, on ne se plaignait pas qu'il n'y ait pas d'organisation dans la da'wah? C'est vrai ou pas? Ouais, on n'a pas de mosquée, on n'a pas d'école, hein? On n'a pas de maktaba, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Ah, bah, alhamdoulilah, ouais, Cheikh Abdel Jabiri, il a conseillé d'aller à Birmingham pour les frères et les sœurs qui ne savent pas faire la hijra. Cheikh Fala Asma, il a dit la même chose. Cheikh Al-Anjari, il a dit la même chose. Alhamdoulilah, on ne peut pas encore faire la hijra pour le moment. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va rejoindre nos frères au Merkez Salafi. On vient ici, et qu'est-ce qui se passe pour certains d'entre nous? On tourne le dos au Majid Salafi, et on se dirige vers Green Lane, vers Majid Rahma, Majid Sunna, et d'autres Majid Al-Hijra, le Majid Al-Hizbiyin. Subhanallah, dit. Et pire encore, des fois, on appelle les autres à cela. Et grave encore aussi, quoi, des fois on appelle à envoyer les enfants là-bas. Oui, mashallah, il y a des gens pas loin d'ici sur Small Heath, hein, pas loin sur Greenland, ils ont une école de Coran, mashallah, c'est des gens qui ont étudié en Arabie Saoudite, mashallah. Alors, nous, on les connaît ces gens-là, c'est des gens qui sont de Greenland. Parce que l'étudiant en Arabie Saoudite, c'est un gage de fiabilité, c'est un gage de manhaj, de salamat al-manhaj wa sihat al-mu'taqad, d'avoir une croyance correcte et un manhaj sain. Non, Safar et Salman, où ils sont? Où Safar Hawali et Salman Al-Auda, ils sont pas en Arabie Saoudite? Al-Qarni, il n'est pas en Arabie Saoudite? Certains même, ils ont des doctorats. Il faut prendre un peu le manhaj. Et il faut se taire qu'on n'a pas de science. On a une Mektaba Salafia ici. Il y a quelqu'un qui vous appelle à un cours, ou vous entendez parler d'un cours. Qu'est-ce qu'on fait? Un réflexe très facile. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la Mektaba Salafia. Si on ne peut pas aller, on ne veut pas aller, ben qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone, salam alaikum, ikhwa, barakallahu fikum, il y a des cours à tel masjid. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a telle personne qui donne des cours d'arabe, des cours de Coran, des cours de tajwid, et même certaines fois des sœurs qui vont maintenant même des cours de tafsir, gars, maintenant dans le Coran. Hein? C'est qui la sœur qui donne la sœur qui donne les cours? Allah alam, Allah alam. Majhoula, Allah alam, moi je la connais pas, sarahatan. Celui qui dit que c'est une salafia, il veut qu'il vienne le prouver. Parce que c'est ça là-bas, c'est lui qui doit prouver, c'est pas nous qui devons prouver le contraire. Faut pas de laxisme. Certains même, ahri, viens prier à Grilline. T'as pas goûté, ahri. Hein? T'as pas goûté. Viens. Viens prier Tarawih, mon frère. L'imam, il a une belle voix. Viens. Le frère Zlah Kharan, il dit, oui, mais ahri, ils ont des erreurs. Oui, mais Majid Salafi aussi, ils ont des erreurs. Subhanallah. Ok, pas de problème, montre-nous. Alhamdulillah, nous, Inch'Allah, on accepte. Montre-nous que dès le kitab ou le sunnah, femme salaf, qu'on a des erreurs. Montre dans l'aqidah, dans le manhaj, montre-nous où est-ce qu'on a des erreurs. Où est-ce qu'on a contredit un ijma' dans le fiqh, montre-nous. Al-da'awat ma lam tuqam alayha bayyinatu fa'abna'uha abriya'u. Les accusations, quand il n'y a pas de preuves, eh bien, les gens qui sont accusés sont toujours innocents. C'est un vers de poésie que les ulama citent souvent. Et on a eu des cas. Et puis ça va même plus loin. Oui, Abu Khadija travaille pour la police, il prend de l'argent, il ne parle pas de jihad, il ne parle pas de ceci, il ne parle pas de cela. Hein? Alhamdulillah, ces gens, ils ont été confrontés par rapport à ça, alhamdulillah. Hein? Ils balbutiaient, ils ne savaient plus quoi dire. Hein? Subhanallah, Adim. Faut s'attacher à la science, ya ikhwa. Faut s'attacher au Majid Salafi. On est venu ici pour cela. Et ça, c'est pour les frères de France et les sœurs de France qui nous écoutent, ou de Belgique, ou de Suisse, ou de Sénégal, ou d'ailleurs. Ça concerne, c'est quelque chose qui est un cas pratique qui peut être retranscrit partout, ça. Parce qu'on trouve un genre de laxisme chez certains frères dans beaucoup d'endroits. Tu viens au Majid Salafi. Tu t'accroches au Majid Salafi. Pourquoi tu vas aller ailleurs, akhifillah? Après, qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils essaient de tourner nos paroles. Ah, c'est-à-dire que le faire, si tu pries à Grilline, c'est-à-dire que ta salah est bâtée là. On n'a jamais dit ça. C'est des musulmans, on n'a pas dit le contraire. La règle, elle est connue, celui qui a une bid'a mukafira, na'am, tu ne pries pas derrière lui. Une bid'a qui le sort de l'islam, tu ne pries pas derrière lui. Hein? Mais quelqu'un qui n'arrive pas à ce degré-là, tu pries derrière lui. Et les ulama disent, man sahat as-salat li nafsi, sahat li ghayrihi. Celui qui est pour lequel sa prière est correcte, eh bien les gens qui prient derrière lui, mais leur prière est correcte aussi. Mais c'est pas de ça qu'on parle ici. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de manhaj, du fait de s'accrocher au majid salafi, de rester avec les salafis. Cheikh Hassan al-Banna, quand il est venu ici, dans cette mosquée, à cette table où je suis assis ici, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est une parole que je disais depuis longtemps, mais moi j'étais considéré comme un extrémiste parce que je le disais. Il a dit, même dans les choses de dunya, pars avec ton salafi, enfin ton frère salafi le faire. Parce que si tu pars avec al-mukhalif, qu'est-ce qui va se passer? Al-bid'i, il a dit exactement. Hein? Sayu'athir alayk, il va t'influencer. Il va t'affecter. Comme on l'a dit dans le dars l'autre jour, quoi, ils sont la peste des cœurs. Les gens de l'innovation sont la peste des cœurs. Mais subhanallah, certains de nos frères, ils sont apaisés avec eux, ils ne sont pas apaisés avec nous. Ils disent, mais le bon comportement avec eux, mais pas le bon comportement avec tes frères salafis. Subhanallah, l'adim. Hein? Adib, hein? Non, il faut leur trouver des excuses et nous, on ne trouve pas d'excuses. Subhanallah, l'adim. Donc ça, c'est une nasiha de ma part. Quand vous entendez quelqu'un appeler à des cours ailleurs qu'à ce masjid ici, renseignez-vous. Al-Maktaba Salafia, et si les frères vous disent attention à cela, eh bien, faites nasiha à la personne qui appelle à cela et dites Ya akhi, ya ukhti, ne fais pas cela, n'appelle pas à cela, c'est grave ce que tu fais, parce que ces gens-là ne sont pas des salafis et n'appellent pas à leur cours. On connaît tous la parole de Mohamed ibn Sirin, rahimahullah ta'ala. Inna hada al-ilma dinun, fandura aman ta'khuduna dinakum. Mais qui la met en application? Qui la met en application? Qui? Certes, cette science est une religion, faites attention de qui vous regardez, de qui vous prenez votre religion. Moi, je ne connais pas. Il y a des gens qu'on connaît qui sont des hizbiyoun. Donc, quelqu'un de chez nous, il va aller assister à un cours d'Abu Samad Dahabi, qui critique Sahaba, qui critique certains des Sahaba, qui critique Abu Bakr Siddiq, qui critique Sharabi, etc. Bien sûr qu'on ne va pas aller s'asseoir chez lui. Mais s'il y a des gens que tu ne connais pas maintenant, ben, tu demandes avant d'aller. Et même si c'est des gens de cette mosquée, tu demandes avant d'aller. À part les frères qui sont autorisés à donner cours dans la mosquée ici. Parce qu'il y a des frères qui fréquentent la mosquée, que peut-être ils donnent cours en privé à la maison. Hein? Ou des fois même en secret à la maison. Hein? Ou à d'autres endroits. On est au courant, les frères. On se tient au courant, alhamdulillah. Hein? Les choses, elles sortent. Elles apparaissent au grand jour, un jour ou l'autre, à la surface. Même si il y en a certains, ils essaient de les laisser dans les abysses, dans les profondeurs. Hein? Renseignez-vous sur la personne. Même si elle étudie en Arabie Saoudite. Même si elle est diplômée de l'université de Médine. Renseignez-vous sur la personne. Renseignez-vous sur le manhaj de la personne. Il faut étudier ces livres-là. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire ce livre-là. Alhamdulillah, on a presque fini ce livre-là. Pourquoi? Parce qu'on apprend nos fondements. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de dire, c'est comme si je bouclais la boucle parce qu'une des premières leçons. Connaît d'Usul Sunnah, c'était quoi? Wa usul sunnati indana, at-tamassuku bima kana alayhi ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et puis? Hein? Hein? Wa liqtida'u bihim. Et ouais, et puis? Il faut revoir, les frères. Peut-être que vous ne l'avez pas étudié par cœur, mais au moins se rappeler le sens. Vous ne vous souvenez plus du tout? Allez, on va lire comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed rahimahullah? وصل السنة عندنا تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. Voyez, les fondements de la sunna sont chez nous, les gens de la sunna. Le fait de s'accrocher à ce sur quoi étaient le messager les compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et le fait de les prendre pour exemple et de délaisser les innovations, et que toute innovation est un égarement. Et le fait de délaisser les disputes et le fait de s'asseoir avec les gens des passions. Certains, non seulement ils s'assoient, mais certains ils appellent même à s'asseoir. Ou même s'ils ne s'assoient pas, ils appellent les autres à s'asseoir. Il ne faut pas être laxiste, c'est din ça. Hein? Et quand on a un problème vis-à-vis de cela avec quelqu'un, ce n'est pas un problème personnel, c'est din ça. C'est le manhaj. Moi, ce qui me regroupe avec vous, c'est din. Ce qui me sépare avec les frères, c'est din. Nous, on aime et on déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala et en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hub fillah ou al-bourdou fillah. C'est pas parce que tu es du même pays que moi, la même nationalité que moi, ou tu es un ami à moi, on se connaît depuis autant d'années, etc. Comme certains frères, ouais, achim, c'est une misala personnelle. Moi, je rentre pas là-dedans. Subhanallah, l'adin. Le manhaj, c'est personnel. Le din, c'est personnel. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala et nous rappeler qu'on va tous retourner à lui subhanahu wa ta'ala et qu'on va devoir remettre des comptes sur nos actions et nos paroles et nos croyances. Donc Cheikh Harabi Hafidhullah, il continue en disant: y a-t-il par exemple un savant reconnu parmi les gens de la Sunna, parmi les plus purs des gens, qui est jugé un tel ou un tel parmi les gouvernants mécréants aujourd'hui? Nous ne trouvons au contraire que les idiots et les ignorants et les intrépides des Mu'tazila et des Khawarij, ce sont eux qui ont jugé mécréants et qui jugent mécréants les gouverneurs et les peuples même, et jugent mécréants les gouverneurs et les armées. Tous trouvent leur origine dans l'école de qui? De Sayyid Qutb, qui a détruit les fondements de la Sunna. كلها مستمدة من مدرسة سيد قطب الذي هدم أصول السنة وتعلق بأصول أهل الضلال جميعا ما من أصل فاسد إلا تبناه سيد قطب وما من أصل من أصول أهل السنة إلا وهدمه ومنها تكفير الأمة ومنها الأصل الذي ينبني عليه هذا التكفير أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص الإيمان إما إيمان 100% 100% وإما كفر فقط إيمان أو كفر أما إنسان عنده معاص إذا أطاع مشرعا في جزئية فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام نهائيا الخوارج وصلوا إلى هذا الحد فنحن نأمل من الشباب أن يتفقهوا exactement ce que je suis en train de dire. الآن تستخرج النصوص والأدلة تبين ضلال هذا الرجل ما يقبلون منك الحق أبوا أن يبحثوا عن الحق يا إخوة أبوا أن يقفوا موقف العقلاء من هذه الفتنة التي ضربت أطنابها في مشارق الأرض ومغاربها وحيرت شباب الأمة وبلبلت عقولهم وضربت بعضهم ببعض وغرست العداوة والبغضاء ما يريدون أن يتبصروا ويدرسوا الأمور ويعرفون من يقودهم وما هو منها منهجه وما هي عقائده وما هو فهمه للإسلام لا يريدون هذا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Cheikh, qu'est-ce qu'il dit, Hafidhahullah Ta'ala? Ils sont sortis, tous trouvent leur origine dans l'école de Sayyid Qutb, qui a détruit les fondements de la Sunna et s'est attaché aux fondements de tous les gens de l'égarement. Il n'y a pas de fondement corrompu sans que Sayyid Qutb ne l'ait adopté. Il n'y a pas un fondement parmi les fondements de la Sunna sans qu'il ne l'ait démoli. Et c'est qui parle? C'est un spécialiste des livres de Sayyid Qutb qui parle. Pourquoi? Parce que lui-même, il a écrit pas mal de livres sur Sayyid Qutb et sur les erreurs de Sayyid Qutb. Il n'y a pas un fondement parmi les fondements de la Sunna sans qu'il ne les démolisse, Sayyid Qutb. Parmi ces fondements corrompus, eh bien c'est quoi? Juger mécréant toute la communauté. Il y a aussi le fondement sur lequel se base ce jugement de tekfir. C'est que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. C'est ça le fondement sur lequel il se base. C'est-à-dire la foi, c'est soit 100%, soit la mécréance. Tandis qu'un individu est dépêché, s'il obéit au législateur dans une chose particulière, alors il a mécru et est sorti de l'islam complètement pour eux. Est-ce que les khawarij sont arrivés à ce degré? Ce que nous espérons des jeunes, c'est qu'ils comprennent la religion, qu'ils apprennent la religion. Et c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Ouais, Akhi, moi je suis un salafi, pourquoi tu me parles comme ça? T'es salafi, qu'est-ce que t'as étudié dans la salafia à la base? Quel livre t'as lu dans la salafia? Comment t'as construit ta salafia? Comment t'as construit ta salafia? Quel livre tu as lu? Quel dars tu as écouté? De quel alim tu as pris pour construire ta salafia? Tu peux être salafi depuis 15 ans, 20 ans. Comment tu as construit ta salafia? Sur quoi tu te bases? Est-ce que tu as appris ta religion ou pas? Cheikh, il dit, maintenant, ce que nous espérons des jeunes, c'est qu'ils comprennent la religion. Maintenant, tu sors les textes et les preuves et tu clarifies l'égarement de cet homme. Ils n'accepteront pas cela de toi. Ils n'accepteront pas de toi la vérité. Oh mes frères, ils ont refusé de chercher la vérité. Ils ont refusé de prendre pour position la position des hommes doués de raison concernant cette épreuve, dont les rejetons ont tapé à l'est et à l'ouest et ont dérouté les jeunes de cette umma et ont troublé leur raison. Et les ont frappés les uns contre les autres et y ont planté l'inimitié et la haine. Ils ne veulent pas méditer et étudier cette affaire et connaître ce qui les guide, celui qui les guide, et quel est son manhaj, sa voie, quelles sont ses croyances, et quelle est sa compréhension de l'islam. Ils ne veulent pas cela. Ils ne veulent pas cela. Et puis, c'est un verset du Coran de Sourate Nuh, dont la traduction du sens est « Ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. » C'est certains de mes frères, ils font cela aussi. Quand tu lui fais une nasiha sur quelqu'un qui a été réfuté ou qui a été critiqué par les gens de science, la même réaction. Non, c'est trop tôt. Non, c'est trop tôt. C'est quelqu'un des gens légèrement, etc. Kada. Hein? Mais un tel, Abou al-Hassan al-Ma'aribi ou Maghraoui, etc. Non, c'est parmi les... Faut pas exagérer. Hein? Et après tout, c'est qui reste avec vous sur la liste? Un par un, vous les sortez de la liste. C'est ce qu'ils disent, hein? Ah, même lui, ils disent, ah, même lui, il était réfuté. Lui aussi. Ah, c'est trop, ça, Cheikh Rabi, il exagère. Cheikh Rabi, il exagère. Cheikh Rabi, des fois, ils ont réfuté des gens dont eux-mêmes faisaient l'éloge avant, subhanallah. Pourquoi? Ça, c'est la preuve que ces gens-là, ils cherchent le haq. Et ils parlent pour le haq. Et ils font le conseil. Et quand ils voient que ces gens-là ne reviennent pas, ils doivent clarifier la communauté. Ils doivent clarifier la communauté. Une question qui a été posée à Cheikh Abel Djabili par rapport à certains contemporains d'aujourd'hui sur lesquels il a parlé, certains à Médine et certains au Yémen et certains d'autres places. Hein? Et il a dit quoi? Il a dit, il n'y a pas de... Parce qu'il dit, Cheikh, il n'y a pas de réconciliation. Il a dit, il n'y a pas de réconciliation. Il a dit, on ne peut pas. Si on réconcilie avec eux, on trahit la religion. Il a dit, ils ont des égarements et ils ont des innovations religieuses. C'est ça, l'umur wadaha. Il a fait une erreur, bid'a, un tel, dalil, un tel. Il a un égarement, un tel, dans tel livre, telle cassette, hein? La preuve, la source, et c'est un égarement, pourquoi par preuve, un tel et un tel. Le problème, qu'est-ce qui se passe chez beaucoup de nos frères, et nos sœurs, certains en tout cas, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils écoutent et ils vont lire ce que le majrouh il a à dire aussi, pour se défendre. Le maghraoui, il a été critiqué, mais akhi, il faut voir, hein, il a crié, hein, lui aussi il a des choses à dire, akhi. Il faut pas écouter qu'un son de cloche. Et je crois que c'est des frères, quand tu dis à Médine, que j'ai entendu dire ça, un frère en tout cas, ou en tout cas qu'on a lu dire ça, sur certaines personnes, pas sur le maghraoui, mais sur d'autres. Il ne faut pas écouter un son de cloche. Est-ce que le ulama, qui est ton salaf là-dedans? Qui a utilisé cette expression, il ne faut pas écouter qu'un son de cloche? Donne-moi un savant qui a utilisé cette expression. Parmi les anciens ou les contemporains? Ça, voilà là. Faisais cette question-là. C'est qui, Akhiton? Tu te dînes à mon frère. C'est qui t'a précédé là-dedans? Si il n'y a personne qui t'a précédé là-dedans, garde ça pour toi, Akhifillah. Oui, mais Akhif, il faut écouter ce que le Mazrouh il a à dire. Qui t'a précédé là-dedans? Ouais, mais ce n'est pas tous les ulama qu'ils ont parlé. Cheikh Mohamed Amin Shinqiti Rahimallah, dans Maraq al-Saoud, qui a un livre dans Usul Fiqh al-Maliki qui l'a expliqué, il a dit quoi? Il a dit wa yuqbalu al-jarh min al-adl wahid. Et on prend le jarh d'une personne de confiance. Une, c'est suffit. Les gens de la Sunna, ils ne font pas une condition que c'est d'être ijma', comme Ali Hassan al-Halabi le dit. C'est faux de dire ça. Un parmi les gens de Sunna. Cheikh Rabi, il a parlé yakfi. Cheikh Rabi, il a parlé yakfi. Cheikh Mohamed Ben Hadi al-Madkhali, il a parlé yakfi. Cheikh Al-Fawzan, il a parlé yakfi, ça suffit. Un, il a parlé, ça suffit. Et je vous rapporte ce que Cheikh Jamal Ibn Furah al-Harithi nous avait dit, l'élève Cheikh Al-Fawzan, Hafidahumullah, les deux. Hein? Il nous avait dit à l'époque, quand on parlait de quelqu'un qui avait été réfuté par Cheikh Rabi, etc., il a dit pourquoi Cheikh Al-Fawzan n'a pas parlé? Parce qu'il a vu que certains de ses frères, ils ont déjà fait le travail, c'est tout. Et c'est pour ça que moi aussi, je n'ai pas parlé, parce que, alhamdoulilah, certains de nos frères, ils sont acquittés de cette obligation communautaire. Pourquoi est-ce que l'on va parler? Faites attention à ce genre de qawaï. Quand quelqu'un va vous dire quelque chose, dire, c'était contre. C'est qui ton salaf? C'est quel savant t'a précédé là-dedans? C'est din. Faut pas laisser les gens dire n'importe quoi. C'est din. Tu ne laisserais pas les gens dire n'importe quoi sur toi ou ta famille. Qu'en est-il de din, subhanallah? Nous, ce qu'on a besoin, c'est le wala al-bara. Ça nous manque des fois. L'alliance et le désaveu pour le din. Qu'est-ce que nous a réunis? On se connaissait avant, Ikhwa? Chacun d'où est-ce qu'il est dans le monde? Est-ce qu'on se connaissait avant? On ne se connaissait pas. Qu'est-ce que nous avons compris? C'est le din. C'est le haq. Et c'est ce qui doit nous garder ensemble. Et c'est pas, je sais que tu as des erreurs, mais je te souris et je dis rien. Et je vais manger avec toi et on devient des copains. Et on devient des amis. Et on reste des amis. Mais allez, je mettais sur tes erreurs, etc. C'est pas ça le hubfillah. Hein? Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, c'est quoi le fait de payer le prix de l'amour en Allah Azza wa Jalla, c'est de faire un conseil. Et il a cité sourate l'Asr. Wa l'Asr, inna l'insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. C'est celui qui t'aime en Allah Azza wa Jalla vraiment. Avec sidq, avec véracité, c'est celui qui te dit, akhi, ça c'est faux ce que tu dis. C'est le verset qu'on avait cité avant, c'est surat Nuh, verset 7. Et on termine ce point-là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on aura terminé ce chapitre. Cheikh, il dit, « Wallah, ya ikhwani, salakou hadil masalik al-say'a, fa nahnu naqul hadil kalam wa in kana fihi quwa, hatta yastayqidu, wa in kana indahum uqul, wa in kana indahum ihtiram linusus al-Qur'an wa sunnah, wa li fahmi salaf al-salih. » عليهم أن يتعقلوا في هذه الأمور العظيمة الخطيرة التي وصلت فيها الأمة إلى درجة لم تصلها من قبل على يد من؟ سيد قطب وأتباعه. نحن الآن ركزنا على هذا الأصل لما يحيط به من الفتن واحفظوا هذه النصوص فإننا ندين الله بها إلى أن نلقاه ولا يمكن أن يجرنا صاحب هوى ولا صاحب انحراف إلى خلاف هذا المنهج. تغلي par الله mes frères, ils ont suivi ces mauvaises voies. Nous nous disons cette parole, mais si elle, même si elle a une certaine force, afin qu'ils se réveillent. Et des fois, c'est vrai, nous-mêmes, on parle à des frères ici. On fait la siha. Et des fois, on parle avec une certaine force. On dit, Akhitaqillah, c'est batil. Akhitaqillah, c'est un égarement. Akhitaqillah, fais attention à un tel. Akhitaqillah, attention, il a des choubouhat. Il divise les frères à la mosquée, etc. etc. Hein? Pourquoi? Pour que les gens ils se réveillent, subhanallah adim. Je ne suis pas venu te demander ton argent. Je ne suis pas venu te demander ta soeur en mariage. Je ne suis pas venu chercher un bénéfice parmi les bénéfices de cette dunya. Je ne veux rien de toi. Je suis venu parce que tu es mon frère en Allah. Que Wallah, j'ai envie de pleurer quand je te vois dans cette situation-là. Que j'ai fait dua pour toi et que je viens te faire nasiha. Alors accepte-la. Et vous vous rappelez la définition de nasiha qu'il avait donnée Cheikh Rabia Hafidahullah Ta'ala? C'est quoi? Hein? C'est le fait, comme il a dit, c'est le fait de reprendre. Ça vient dans la langue arabe, le fait de reprendre. Ou de recoudre un quoi? Hein? Un trou dans un vêtement ou quelque chose qui a un défaut. Donc toi, tu fais nasiha à ton frère, c'est parce que tu vois un défaut en lui. Et lui, il se doit d'accepter. Pourquoi Cheikh Abid, il avait rapporté son ta'rif de nasiha, il avait dit, c'est iradat al-khair lil-ghair. Hein? C'est le mansouh, tu lui veux le khair. Donc évidemment, tu sta'amil uslub al-la'iq, tu cherches la bonne manière de le faire. Mais la nasiha, elle reste. Donc Cheikh Rabi, il dit, Hafidahullah Ta'ala, afin qu'ils se réveillent s'ils ont des raisons et s'ils ont du respect pour les textes coraniques et les textes de la Sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs. Ils doivent s'accrocher dans ces affaires grandes et dangereuses dans lesquelles la communauté est arrivée à un degré auquel elle n'était jamais arrivée avant, et ce à cause de qui? De cette Qutb et de ses suiveurs. Nous avons insisté maintenant sur ce fondement qui est le fait d'obéir et d'écouter les gouverneurs. Il dit, en raison de ce qui l'y entoure comme trouble, et mémoriser ces textes, le Cheikh, il dit. Car nous adorons Allah par ces textes, et c'est jusqu'à ce que nous le rencontrions, et il ne se peut pas que quelqu'un parmi les gens des passions, ou un déviant, nous tire vers ce qui transgresse cette voie. Et avec cela, on a terminé ce chapitre. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Le chapitre suivant, inshallah, dans le prochain cours, c'est Al-Jihad, madin ila yawm al-qiyamati ma'al-barri wal-fajir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.